écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Je suis à Banga Onana. Tu ne commettras point de meurtre. Tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. Le dictionnaire définit le meurtre en ces termes: action de tuer volontairement un être humain. Et selon la pensée de Dieu, nous devenons des êtres humains à la conception et non à la naissance. Les mots synonymes au mot meurtre sont crime, assassinat, homicide. Les personnes qui commettent des meurtres sont des meurtriers et sont aussi appelés des assassins, des criminels et des tueurs. De tous les 10 commandements de Dieu, celui d'aujourd'hui est le 6e, le 2e de la seconde table. Les commandements de la première table parlent de nos relations avec Dieu. Les commandements de la seconde table parlent de nos relations avec nos prochains. Et le premier des commandements de la seconde table, après celui qui nous demande d'honorer notre père et notre mère, est celui d'aujourd'hui, Exode 20 au verset 13, où Dieu nous interdit d'assassiner notre prochain, c'est-à-dire notre semblable, un autre être humain comme nous. Le mot hébreu que certains traduisent par « tuer » dans ce 6e commandement parle d'assassinat, de tuerie intentionnelle ou par préméditation. C'est pour cela que la bonne lecture de ce verset n'est pas « tu ne tueras point », mais plutôt « tu ne commettras point de meurtre ». Parce que comme nous le savons tous, toutes les tueries ne sont pas des péchés, alors que tous les assassinats et tous les meurtres le sont. Dans plusieurs sociétés humaines, on parlait généralement de meurtre au premier degré, de meurtre au deuxième degré et enfin de meurtre au troisième degré. Mais dans le message d'aujourd'hui, nous ajouterons un 4e degré. Le meurtre au premier degré parle d'une tuerie intentionnelle, volontaire et délibérée. Par exemple, par empoisonnement, par violence physique, par violence mystique, par une arme quelconque ou par tout autre acte prémédité. C'est le cas par exemple de Caïn qui assassina son frère Abel. C'est aussi le cas de Barabbas et de ses complices dans Marc 15 au verset 7. Tous les avortements provoqués sont des meurtres au premier degré, parce que pour Dieu, la vie est dans le sang. Toutes les femmes qui provoquent des avortements et tous les infirmiers et les médecins qui les font avorter sont des criminels au premier degré. Et tous ceux qui les aident ou qui les encouragent dans ce ministère sont aussi des assassins au second degré. David loue Dieu en ces termes dans le psaume 139 à partir du verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Et Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie 1 au verset 5, « Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » En d'autres termes, Dieu dit à Jérémie, « Pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, je connaissais ton nom, ta destinée. Tu n'étais pas seulement une masse de chair, mais un prophète des nations consacré. Tu as donc le droit à la vie. Malheur à celui qui mettra la main sur toi, avant, pendant ou après ta naissance. » Luc 1 nous parle de Jean-Baptiste qui était rempli du Saint-Esprit pendant qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Et depuis Exode 21, écoutons ce que la parole de Dieu nous dit dans son verset 22. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher, sans autre accident, ils seront punis d'une amende par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. En faisant avorter une femme, nous détruisons une vie. Il faut donc la payer par une autre vie, celle de l'avorteur. Il n'y a pas plus violent contre les humains sur cette terre que les avorteurs et les avorteuses. Une vie hors du sein maternel est égale à une vie dans le sein maternel. Les avortements provoqués, qu'ils soient médicalisés, coutumiers ou indigènes, sont tous des meurtres au premier degré. Dans ce premier degré de meurtre se trouvent aussi tous les suicides. Les personnes qui se donnent intentionnellement et délibérément la mort sont des meurtriers qui scellent ainsi leur condamnation éternelle en enfer et ensuite dans les temps ardents de feu et de soufre parce qu'ils ne seront jamais plus en vie pour se repentir. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Tous ceux qui se suicident détruisent donc une propriété divine. Le verset 20 dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Tous ceux qui se donnent la mort ne glorifient pas Dieu dans leur corps et dans leur esprit qui appartiennent à Dieu. C'est le cas de Judas Iscariote, qui au lieu de faire une repentance sincère et de s'en tenir à elle pour obtenir la miséricorde de Dieu, alla plutôt commettre un meurtre au premier degré en se suicidant. Jésus, la voix la plus autorisée, hier, aujourd'hui et éternellement, dit de lui, dans Matthieu 26 au verset 24, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. » Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né, parce que tous les humains qui ne sont pas encore nés n'ont aucun compte à rendre à Dieu. Mais malheureusement pour Judas, il était déjà né et il était majeur. Il savait donc ce qu'il faisait et il est désormais responsable pour l'éternité de ses actes. Alors, qu'est-ce qui arriva à Judas, ce malheureux? Quand Dieu dit de vous que vous êtes malheureux, qui peut vous racheter, si ce n'est lui seul? Alors, si vous lui tournez le dos et vous allez vous suicider dans votre malédiction, vous êtes perdu pour toujours. Vous êtes maudit pour toujours, pour l'éternité. Matthieu 27 au verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Était-ce une vraie repentance? Nous ne le croyons pas. Et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira et alla se pendre. Tous ceux qui font des repentances authentiques au nom de Jésus-Christ ne peuvent pas se suicider. Que cela est suicidaire d'aller à l'église, de chanter des cantiques, d'imiter les enfants de Dieu dans les chants, dans les prédications, dans les habitudes, alors qu'on ne connaît pas Jésus, alors qu'on est là pour vendre Jésus, alors qu'on est complice des grands chefs religieux pour détruire la foi chrétienne. En se suicidant, Judas signait son contrat de perdition éternelle dans les temps ardents de feu et de soufre. La Bible dit de lui qu'il était le fils de la perdition. Jésus dit de lui qu'il était un démon. Cela est écrit dans Jean 6, au verset 70. Jésus répondit à ses disciples, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Et au moment de livrer Jésus, Satan en personne, le chef de Judas, entra en lui, et ceci jusqu'à ce que Judas se donne la mort. C'est ce que nous dit Luc 22 au verset 3. Tous ceux qui se suicident ne sont pas des démons, mais au moment où ils se donnent la mort, ils n'ont pas l'esprit de Jésus en eux. Ils n'appartiennent donc pas à Jésus au moment de leur mort physique, mais à Satan qui est entré en eux. La Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. En livrant Jésus, Judas commettait un meurtre au second degré, et en se suicidant, il commettait un meurtre au premier degré. Il s'agissait donc d'un double meurtrier. Le meurtre au second degré est un homicide commis par un individu à la suite d'un acte de trahison. Tous les complices d'un meurtre sont des meurtriers au second degré. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Paul, qui avait approuvé le meurtre d'Étienne, était un meurtrier au second degré. C'est ce que nous dit Acte 7, du verset 57 au verset 59, et Acte 8, verset 1. Tous ceux qui se suicident sont les fils de la perdition, parce qu'aucun recours n'est plus possible pour eux. La Bible dit que ce sont ceux qui meurent dans le Seigneur qui se reposent de leurs œuvres. Méfiez-vous donc de ces pharisiens qui vous disent que Dieu est tellement miséricordieux que nous serons surpris peut-être un jour de trouver Judas Iscariote au ciel. Mensonge. Dieu ne sauve pas les gens après leur mort physique, il les sauve avant leur mort physique. Quand le comprendons-nous? Avec ce seul dribble, le prince de ce monde des ténèbres dribble la multitude qui ne veut pas croire à la vérité biblique, mais qui boit le venin de la religion. Les ennemis de Jérémie étaient des meurtriers au second degré. Dans Jérémie 18, au verset 18, ils disent « Venez, complotons contre Jérémie et tuons-le avec la langue. » Tous ceux qui livrent les êtres humains à la colère populaire par des calomnies, des mensonges et des complots divers sont des assassins au second degré. Chers amis membres de l'Église qui m'écoutez, combien de meurtres avez-vous déjà commis? Répondez à cette question avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Les meurtres au troisième degré ne sont pas intentionnels. L'intention ici est de faire physiquement mal, mais pas de tuer. C'est ce qui se passe lors de certaines bagarres entre des individus qui se terminent souvent par des tragédies. Nous connaissons plusieurs cas où des personnes ont été condamnées et emprisonnées parce qu'elles avaient causé la mort d'un humain en lui donnant une gifle ou un coup de poing. Si l'intention n'était pas de tuer, il s'agit d'un meurtre au troisième degré. Dans son sixième commandement, Dieu nous interdit donc d'ôter intentionnellement des vies humaines, soit en tant qu'acteur, soit en tant que complice. Tous les meurtres sont donc des tueries, mais toutes les tueries ne sont pas des meurtres. Tout ce que nous disons dans ce message sur le meurtre n'est pas fondé sur la jurisprudence humaine, mais sur la parole de Dieu. Dans Nombre 35, à partir du verset 16, nous lisons ceci. « Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. » S'il le frappe tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Le verset 20. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimitié, et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Nous voyons ici que la haine et la préméditation sont des facteurs très importants pour établir la certitude d'un meurtre. Verset 22. Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui, par mégarde, une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait de la haine contre lui, et qu'il lui cherche du mal, voici les lois d'après lesquelles l'assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Chers amis, la justice doit investiguer pour établir les causes et les circonstances du meurtre. S'agit-il vraiment d'un meurtre ou d'un accident? Même s'il s'agissait d'un accident, les membres de la famille du défunt peuvent toujours, dans leur colère, chercher à faire mourir l'auteur du meurtre. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un accident que le défunt reviendra à la vie. Il faut donc que toute société organisée intervienne pour protéger le malheureux auteur du crime. Les responsables des homicides involontaires ne méritent pas la mort, mais d'autres peines dues à leur responsabilité dans le drame, telles que des amendes, des dommages et intérêts, et éventuellement une privation de liberté, selon les lois établies. Le sixième commandement de Dieu est donc une interdiction de Dieu à tout être humain d'ôter volontairement une vie humaine par une action directe ou indirecte, parce que toutes les vies appartiennent à Dieu. Exode 21, au verset 12, nous dit ceci. « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. » S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Ce sont ces lieux-là qu'on appelle les villes de refuge. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon hôtel pour le faire mourir. Maintenant, nous allons dans cette quatrième catégorie que nous appelons meurtre au quatrième degré. La Bible nous dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Il s'agit donc de meurtre spirituel. Il y a des meurtriers spirituels. Le meurtre spirituel est le plus grave de tous parce qu'il sépare les âmes de Dieu pour l'éternité en les précipitant dans la condamnation éternelle en enfer. Jésus dit dans Matthieu 5 à partir du verset 19, « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements » et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Jésus disait aux pharisiens ignorants et complices, aux détenteurs du pouvoir temporel sans Dieu. Et dans Matthieu 2, au verset 13, Jésus disait aux pharisiens ignorants et complices, aux détenteurs du pouvoir temporel sans Dieu, que leur disait-il? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Il s'agit là des assassins spirituels au premier degré. Tous ceux qui participent directement ou indirectement à amener les individus ou les nations entières à renier le Seigneur Jésus-Christ, crucifié, enterré et ressuscité des morts le troisième jour, ou encore en les privant ou en interdisant la proclamation de la vérité biblique, tout cela sont des meurtriers spirituels. Il y a des pays et des régions dans le monde où il est interdit de posséder une Bible, de la lire, de la partager avec les autres ou même avec ses voisins, et pire même encore, de la proclamer en public. Chers amis, entre nous, quel mal la Bible fait-elle? S'il y a un mal que la Bible fait, elle le fait au monde des ténèbres. Le Seigneur continue dans Matthieu 18 à partir du verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ceux-là par qui le scandale arrive sont des meurtriers spirituels. Répentez-vous, ne mourrez pas en tant que meurtrier spirituel, quels que soient les honneurs que la religion vous donne, quels que soient les honneurs que le monde vous donne. Tous les parents qui persécutent leurs enfants et ceux qui sont placés sous eux, parce que ces derniers se sont repentis et qu'ils ont accepté Jésus-Christ crucifié et ressuscité des morts comme leur sauveur et leur Seigneur personnel, pour le servir et l'adorer lui seul en esprit et en vérité, ses parents sont des meurtriers spirituels. Les fondateurs, les chefs et les responsables des religions parallèles ou contraires à la Bible, la parole de Dieu, les chefs et les défenseurs des traditions tribales anti-bibliques, les responsables des cercles ésotériques et autres ordres mystiques sont tous des meurtriers religieux, conscients ou inconscients. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est pour cela que la devise du diable est « Je ne mourrai pas seul ». La première personne qui s'est suicidée dans tout l'univers est le diable et il ne reviendra jamais plus à la vie. C'est pour cela qu'il voudrait entraîner tous ceux qui renient le Seigneur Jésus-Christ. Il voudrait les entraîner avec lui dans la mort éternelle, dans le suicide éternel. Tous les meurtriers spirituels sont des bâtisseurs qui construisent leurs édifices en rejetant systématiquement Jésus-Christ, la pierre principale de l'angle. Parce que la Bible dit dans Actes 4 au verset 11 que Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Paul lançait un avertissement éternel à tous les meurtriers spirituels qui se cachent dans la religion, dans les organisations de bienfaisance, dans le système scolaire et universitaire, dans les institutions nationales et internationales. Il se trouve dans Galates 1 au verset 6. Paul dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Paul continue. Mais quand nous-mêmes les apôtres, quand même un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Aujourd'hui, il y a des souverains pontifes, des grands révérends, des autorités, des gouverneurs spirituels dans ce monde qui croient qu'ils sont au-dessus des apôtres et des anges. Paul dit ici que quand eux-mêmes les apôtres de Jésus-Christ, même quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui qui est prêché dans la Bible, s'il y a un pareil homme ou un pareil ange, qu'il soit maudit. Pourquoi le meurtre est-il mauvais et pourquoi Dieu le condamne-t-il? D'abord, Dieu est amour. C'est ce que nous dit la Bible, sa parole, dans 1 Jean chapitre 4 au verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui commet un meurtre viole donc la loi de Dieu, qui est celle de l'amour. Tous les 10 commandements de Dieu se résument en un seul commandement, le commandement de l'amour. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. La loi de l'amour. Et cette loi de l'amour, la loi de Dieu, annonce à toute l'humanité ce qui suit dans Romains 13, au verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Celui qui aime les autres a accompli les 10 commandements. Et nous ne pouvons aimer les autres que si nous avons l'amour dans notre cœur, car l'amour dit que sans lui nous ne pouvons rien faire. Jésus-Christ est amour. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Quand le comprendrons-nous? Et 1 Jean chapitre 4 au verset 20 dit: si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Le caractère mauvais du meurtre est enraciné dans la pensée de Dieu et dans celle de l'homme créé à son image. Pourquoi Dieu interdit-il le meurtre? Pourquoi condamne et punit-il si fermement les meurtriers? D'abord, parce qu'il est le seul qui est la vie. Il ne l'a pas reçu de quelqu'un d'autre. Il est la vie. Il est aussi le seul qui la donne à qui il veut. Toutes les vies lui appartiennent à lui seul. Genèse 9, au verset 5 dit: sachez-le aussi, c'est Dieu qui parle, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Et ceci remonte à Genèse 1 au verset 26 où Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu n'a pas mis l'homme sur la terre pour qu'il planifie la vie, ni pour la donner, ni pour l'ôter, mais pour la fructifier et pour la multiplier. Le sixième commandement de Dieu nous dit donc que si nous ôtons intentionnellement une vie humaine, nous commettons de ce fait un meurtre, parce que cette personne à qui nous avons ôté la vie était faite à l'image de Dieu. Au lieu d'ôter les vies, nous devons les fructifier et les multiplier jusqu'à remplir la terre d'hommes et de femmes à son image. Ceci est encore une utopie de nos jours, quand nous voyons les vastes jungles et les grands déserts qui couvrent encore la surface non habitée de la terre, en plus des zones dites habitées, mais qui sont très sous-peuplées. Le premier homme né d'un père et d'une mère dans ce monde est aussi le premier qui tua son frère, freinant ainsi à son niveau le plan de Dieu de remplir la terre d'hommes et de femmes à son image. Genèse 4, à partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fut une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Les causes de tous les meurtres sont la jalousie, la haine, la colère, les rivalités, les compétitions, l'irritation, les dépressions, les envies, la cupidité, l'absence de la crainte de Dieu, et surtout une vie sans Dieu, une vie sans le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et la première confrontation entre le meurtrier et Dieu se trouve au verset suivant. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Chers amis, qui que nous soyons, la Bible dit que rien de ce qui est secret ne demeurera en secret, et rien de ce qui est caché ne demeurera en cachette. Vous avez vraiment commis un ou des meurtres et personne ne vous a vu ou encore soupçonné et interpellé. Ou même encore, vous êtes soupçonné et interpellé, mais vous êtes très puissant, selon le monde, pour échapper à la justice. La Cour internationale de justice vous a peut-être acquitté, ou encore est incapable de mettre la main sur vous, parce que vous êtes des dirigeants des grands pays de ce monde, ou encore parce que vos complices régionaux et occultes, dirigeants des grandes religions qui gouvernent le monde, vous protègent. Sachez-le, tôt ou tard, vous serez rattrapé par la cour divine universelle de justice. La Bible dit dans Acte 17 au verset 30: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Thank you. Je suis à Banga Onana. Tu ne commettras point de meurtre. Tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. Pendant que Caïn est à la barre devant Dieu, voici les questions que l'Éternel lui pose. Où est ton frère Abel? Chers amis, où se trouvent tous ceux-là que vous avez tués et qu'aucun être humain n'a vu ni connu? Chères femmes qui m'écoutez, où sont tous ces enfants que vous avez conçus et qui ne sont jamais nés? Où sont-ils? Dieu sait où ils sont. Dieu sait où vous les avez mis, même comme les hommes ne le savent pas. Où est ton frère Abel? Et voici la réponse de tous les coupables non repentants. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Deuxième question du juge suprême. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Chers amis, sachez-le, Dieu n'a pas besoin d'un acte d'huissier ou de témoin pour savoir ce que vous avez fait. Dieu sait tout, même les pensées de votre cœur, parce que c'est lui qui vous a créé. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Aucune réplique de la part des coupables. Et voici la première partie de la sentence prononcée par le juge suprême. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Plusieurs fois dans ce réquisitoire, Dieu mentionne l'expression « ton frère » du verset 1 jusqu'au verset 11 de ce chapitre 4 de Genèse qui nous parle de Caïn et d'Abel. La parole de Dieu mentionne cette fois ce terme « ton frère ». Et dans la Bible, comme nous le savons tous, le chiffre 7 est le chiffre de la complétion. C'est pour cela que tous les meurtres sont des fratricides. Parce que chaque être humain est notre prochain. Nous sommes tous issus d'un même sang, celui d'Adam. C'est ce que la Bible nous dit dans Actes 17 au verset 26. Le fratricide est le meurtre d'un semblable, d'un frère ou d'une sœur. Le meurtre est une agression contre notre propre famille et contre la famille de Dieu à laquelle nous refusons d'appartenir. Tout meurtrier s'identifie comme membre de la famille du diable et étranger, ennemi de l'humanité et de la famille de Dieu. Jésus disait ce qui suit aux religieux qui croient connaître Dieu et être ses enfants, alors que les fruits qu'ils produisent les trahissent et montrent qu'ils sont en réalité les enfants du diable. Jean 8, à partir du verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. » Et le Seigneur leur révéla leur vraie filiation, leur vraie paternité et leur vraie famille. Verset 41. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Point. Chers amis, chers parents, chers co-religionnaires, chers compatriotes, chers frères et sœurs humains, si vous êtes meurtrier, la Bible dit que vous avez pour père le diable et vous êtes en même temps ses serviteurs. Tout meurtrier l'est de plusieurs personnes. En versant le sang d'Abel, son frère, Caïn assassina en même temps toute la postérité de ce dernier pour l'éternité. Si quelqu'un avait pu assassiner Isaac ou Israël, son fils, avant que ceux-ci n'aient donné des enfants, cette personne aurait en même temps assassiné toute la nation d'Israël et tous les Juifs. Aucun de nous ne serait alors spirituellement vivant, ni né de nouveau de nos jours, parce que le salut vient des Juifs. C'est ce que nous dit la Bible dans Jean 4. Si quelqu'un avait pu assassiner le père de Barack Obama avant la naissance de l'actuel président des États-Unis d'Amérique, il aurait non seulement assassiné la postérité de ce Kenyan, mais privé le pays le plus puissant du monde de son actuel président. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Tout meurtre est donc une abomination et une agression contre Dieu, parce que l'homme et la femme ont été faits à son image. Tout meurtre est aussi une abomination à cause de la nature de Dieu. Commettre un meurtre consiste à mépriser l'amour de Dieu pour les hommes. La Bible dit dans 1 Jean 3 au verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Tous les meurtriers ne connaissent pas le Dieu vivant et véritable. Jésus-Christ est vivant et véritable. Commettre un meurtre consiste à usurper la souveraineté de Dieu en tant que donneur, propriétaire et preneur de toute vie humaine. Dans Luc 12, Dieu dit ceci au mauvais riche, à partir du verset 20. « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et dans Jean 5, le Seigneur dit ceci à toute l'humanité. Jean 5 au verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Commettre un meurtre est une transgression contre la puissance créatrice de Dieu, parce que lui seul a la puissance de créer et de soutenir toute vie. Commettre un meurtre, c'est détruire la perfection de la création divine qui ne peut plus se reconstituer avant la résurrection des morts ni accomplir la destinée de Dieu pour elle. Il s'agit de mépriser et de maudire la valeur inestimable d'une vie humaine et de ce fait toute l'œuvre de la création divine. La terre et tout ce qu'elle renferme ne valent pas une seule âme humaine. Dans Marc 8 au verset 36, le Seigneur Jésus-Christ nous pose cette question. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Commettre un meurtre consiste aussi à usurper la majesté et la gloire de Dieu en l'homme, parce qu'il a créé les humains pour sa gloire. C'est ce que nous dit Ésaïe 43 au verset 7. Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il reflète sa gloire dans tout l'univers à travers lui. Tu ne commettras point de meurtre. Qu'est-ce que ce commandement n'interdit pas? D'abord, ce commandement n'interdit pas aux États dotés des vies humaines dans le domaine de la justice, de la défense et de la souveraineté nationale, de la protection des hommes et des biens. Dans plusieurs passages dans la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, Dieu dit clairement qu'il délègue sa souveraineté aux autorités qu'il établit pour qu'elles ôtent la vie aux méchants dans certains cas. Genèse 9 au verset 5 dit: sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Ceci est applicable depuis la dispensation du gouvernement humain. Il s'agit de la troisième dispensation après celle de l'innocence et de la conscience, et avant celle de la promesse qui commence avec l'appel d'Abraham. La dispensation du gouvernement humain commence après le déluge avec Noé. Jusqu'ici, l'homme n'avait pas autorité d'ôter la vie à un autre être humain. Maintenant, une certaine part des prérogatives de Dieu est confiée à l'homme, de telle sorte que celui-ci, toujours personnellement responsable devant Dieu, est en même temps tenu de se soumettre à l'autorité de son semblable. Dieu établit ainsi les conditions de l'homme dans la société. Le premier rôle d'un gouvernement humain est de protéger la vie humaine. Cette tâche comprend la responsabilité de la peine capitale. L'homme n'a pas à se venger individuellement d'un meurtre, mais il s'agit de la responsabilité de la société dans laquelle il vit. Les autorités qui existent ont donc été instituées de Dieu. Résister à l'autorité, c'est donc résister à Dieu lui-même. Genèse 9, à partir du verset 1, nous dit ceci. En ce qui concerne la dispensation du gouvernement humain, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Nous ne serons jamais donc condamnés de meurtre quand nous tuons un animal qui n'appartient pas à quelqu'un. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. L'homme a donc le droit d'ôter la vie aux animaux pour les consommer. » Verset 5. « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Dans chaque passage biblique qui parle de tuerie par un État souverain, le mot hébreu traduit par meurtre dans le sixième commandement n'est pas utilisé. Parce qu'il ne s'agit pas d'un meurtre, mais la plupart du temps, il s'agit d'ôter la vie à un criminel pour qu'il n'en ôte pas plus à d'autres. Il s'agit alors de sauver plusieurs vies en ôtant celle du meurtrier. Et puis, quand Dieu dit que le meurtrier qui prémédite un assassinat parce qu'il hait sa victime doit mourir, ce n'est pas Dieu lui-même qui descend du ciel pour exécuter cette sentence, mais il confie son exécution aux vengeurs de sang ou encore aux autorités établies à cet effet et non jamais aux individus. Nous vous conseillons de lire à cet effet Deutéronome 17 du verset 8 au verset 11. Il est vrai que nous vivons dans une ère où les hommes sont malhonnêtes, partisans et cupides, ceci pouvant fausser à tout moment la réalité des faits. Mais ne l'oublions pas, Dieu est le juge suprême, c'est-à-dire qu'il corrige tous les faux procès-verbaux, tous les mauvais jugements, et surtout qu'il est le juge de tout le monde, y compris celui de tous les juges et des présidents des cours suprêmes et des tribunaux internationaux. Dans Romains 13, la Bible confirme ce que l'Ancien Testament enseigne déjà à ce sujet, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Avis donc à tous les émeutiers. Celui donc qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il portait l'épée et non la chicotte. Qu'il portait l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Chers amis, la peine capitale n'est donc pas anti-biblique, mais elle est biblique à 100%. Le sixième commandement de Dieu n'interdit pas de risquer sa vie jusqu'à la perdre pour sauver des vies humaines, pour défendre sa famille, la justice et la vérité. Jésus est la vérité et la justice. Il nous dit dans Matthieu 10 au verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. » Et dans Marc 8 au verset 35, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle la sauvera. » C'est Jésus qui parle. Le sixième commandement de Dieu n'interdit pas la légitime défense à chaud en cas de danger de mort pour vous et pour tous les membres de votre famille. La Bible dit dans Job 24 au verset 14, « L'assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent, et il dérobe pendant la nuit. » Et par conséquent, dans Exode 22 au verset 2, la Bible dit, « Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. » Le sixième commandement de Dieu n'interdit pas de tuer un animal ou d'aller à la chasse pour consommation ou pour toute autre cause qui ne pénalise pas autrui. Nous l'avons déjà dit plus haut. Si vous tuez un animal appartenant à votre prochain, vous devez dédommager le propriétaire. Ceci dans le cadre de la protection de la propriété d'autrui. Le sixième commandement de Dieu n'interdit pas quand Dieu lui-même ôte une vie. parce qu'il est le seul donneur et le seul preneur de la vie. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 2 au verset 6, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Il est de ses prérogatives de reprendre ce qu'il a créé ou donné. Tous les humains sont ses créatures et sa propriété. Dieu est l'artisan et le réalisateur de la peine capitale. Le plus grand et le meilleur exemple est celui de l'exécution de Jésus-Christ. Oui, les chefs religieux incrédules, jaloux, cupides et ignorants l'avaient trahi et livré aux Romains pour application de la sentence. Oui, les Romains avaient joué leur rôle d'exécutant. Mais si nous lisons attentivement les Écritures, nous constatons que Jésus avait été mis à mort par Dieu lui-même. Que dit Jésus de sa propre mort? Dans Jean 10, au verset 17. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et dans Romains 8, au verset 32, la Bible dit, « Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Nous pensons au génocide du déluge, à la ruine de Sodome et Gomorre, à la mort d'Anania et de Saphira, son épouse. Et certains demandent, pourquoi Dieu a-t-il ordonné aux Israélites d'exterminer tous les Cananéens? Pourquoi a-t-il ordonné au roi Saül de tuer Amalek, tous ses hommes et les femmes, enfants jusqu'aux nourrissons? Chers amis, que préférons-nous? De laisser le cancer se généraliser ou d'amputer l'organe atteint pour que tout le corps vive? Dieu connaît les cancers que personne ne pourra stopper. Alors Dieu préfère couper l'organe qui a le cancer pour que le reste du corps entier vive. Aux yeux de Dieu, qui ne s'est jamais trompé, qui ne se trompe pas et qui ne se trompera jamais, les Cananéens étaient comme un cancer qui ne guérira jamais et qui attaquera plutôt tous les autres organes sains. Surtout que Dieu ne le fait pas sans offrir sa miséricorde aux concernés. Dieu dit à chaque cancer, « Veux-tu que je te transforme en bénédiction, ou alors veux-tu demeurer cancer qui fait mal et qui tue? » Si le cancer dit oui, Dieu le transforme en bénédiction. Parce qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Mes chers amis, avez-vous déjà vu un cancer qui se répand? Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Concernant sa patience et sa miséricorde sur les Cananéens, la Bible dit que Dieu a attendu près de 400 ans, le temps suffisant pour que le péché des Amoréens soit à son comble, avant d'ordonner leur extermination. Ceci est écrit dans Genèse 15, du verset 13 au verset 16. Dieu seul est souverain en tant que créateur, législateur et seigneur. Il est le propriétaire de toutes choses. Avant d'exterminer le monde ancien par le déluge, Dieu avait offert l'arche de Noé pour que ceux qui voulaient passer de la mort à la vie viennent seulement entrer dans l'arche. Toute l'humanité, à l'exception de Noé et de sa famille, a refusé la vie éternelle. Dites-moi, si vous étiez juste, miséricordieux, bon et amour comme Dieu, qu'auriez-vous fait? Chers amis, cessons de juger Dieu, alors que nous sommes incapables de juger nos complices meurtriers, nos camarades de partis politiques qui sont plus voleurs, plus criminels, plus responsables des maux de la société que les camarades du parti d'en face. Lisez Genèse 6, du verset 5 au verset 14, et vous comprendrez comment notre Dieu est miséricordieux. Dieu n'ordonne jamais un génocide sans avoir auparavant tout fait pour sauver les concernés. Et le plus grand génocide arrive pendant la guerre d'Armageddon. Alors, qui condamnera Dieu d'avoir exterminé tous les méchants de la terre pour que le million se fasse où il n'y aura plus de vol? Il n'y aura plus de sorcellerie, il n'y aura plus de haine. En ce moment encore, il tend sa main à tous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne du repos. L'humanité tout entière rejette cela. Alors qu'est-ce qui restera? Dieu ordonnera le génocide à Armageddon. La Bible dit dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 12, « Ôtez le méchant du milieu de vous. » Et c'est ce que Dieu fera avant que le millénium ne soit instauré. Chaque fois que nous prions, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce génocide de tous les méchants que nous demandons que Dieu vienne accomplir. Et il n'y a que lui seul qui doit le faire. Quant à vous et à moi, nous devons prêcher l'évangile pour que tous les cancers se convertissent et qu'ils deviennent des bénédictions pour tous les êtres humains. Nous comprenons maintenant pourquoi Dieu était prêt à exterminer toute l'Égypte qui endurcissait son cœur pour s'opposer à Dieu en cherchant à détruire son peuple. Après les avoir frappés de 10 plaies sans que les Égyptiens se repentent, Dieu choisit d'exterminer tous ceux qui poursuivaient ses enfants en les faisant tous noyer dans la mer Rouge. C'est cela qu'on appelle la justice de Dieu. C'est la même chose qui arrivera à tous ceux qui s'entêtent de nos jours à rejeter le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, et à s'échauffer chaque jour pour exterminer son peuple, les Juifs, et pour partager sa terre, la terre d'Israël, et la ville du grand roi, la ville de Jérusalem. Nous conseillons tous ceux qui représentent le Cameroun de ne jamais s'associer avec ceux qui veulent se partager la terre de Dieu, la terre d'Israël. Pour ceux qui ne le savent pas, Jésus-Christ homme était juif. Le salut vient des juifs. Dieu aime tous les hommes et toutes les femmes, mais il hait nos péchés, notre rébellion contre lui, notre rejet de ses choix. Et voici sa volonté et sa préméditation pour vous et pour moi dans Ézéchiel 18 au verset 20. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, à condition que le fils se repente. Mais si le fils suit le père dans les mauvaises voies du père, alors le fils mourra avec le père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. C'est la même chose. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Non, dit l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Chers amis, il n'y a que la justice elle-même qui peut vous changer. Avant la fin de ce message, c'est cette opportunité-là que nous allons vous offrir. Il est donc blasphématoire de croire que Dieu puisse violer ses propres commandements. La Bible dit que Dieu est amour. Il n'y a point en lui de ténèbres. Et parce qu'il est un Père qui nous aime, il est aussi le premier à nous châtier. D'après Hébreux 12, du verset 5 au verset 10. La vie est très précieuse pour être donnée, maintenue ou retirée par une somme d'argent. Il n'y a que la justice de Dieu qui donne, maintient et retire une vie. C'est pour cela que Nombre 35 au verset 31 dit à tous les magistrats, vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Nombre 35 verset 31. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui donne la vie et qui a le droit de la retirer quand il veut. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jean 5, verset 21. Il n'y a que la justice de Dieu qui peut racheter une vie ou la condamner à mort. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Toute vie peut être rachetée, non par de l'argent, ni par de l'or, mais par le sang précieux de Jésus versé pour notre rédemption. Ni par la Cour internationale de justice, ni par les Nations unies, ni par le G20, mais par le sang précieux de Jésus. Ni par toutes les réserves d'or du FMI et de la Banque mondiale, mais par le sang précieux de Jésus versé pour notre rédemption. Parce que Dieu est amour, il a prouvé son amour en s'assassinant pour prendre la place de meurtrier à notre place. Chers avorteurs, chères avorteuses, chers braqueurs, chères braqueuses, chers coupeurs de route, Jésus a porté tous vos péchés. Et le châtiment qui vous donne la paix, Jésus-Christ a reçu ce châtiment-là sur lui. Il vous suffit seulement de le croire de tout votre cœur et de le recevoir dans votre vie. Il dit dans Jean 15, à partir du verset 12, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il n'y a que Dieu seul qui peut aimer les brigands et les meurtriers. Il n'y a que Dieu seul qui peut défendre la vie de quelqu'un qui a ôté les vies des autres. Il n'y a que Dieu seul qui peut aimer celui que tout le monde a rejeté. Il dit au verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné Jésus, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chers amis, voulez-vous croire en Jésus-Christ? Voulez-vous abandonner tous les mensonges, les imaginations, les pensées, les philosophies qui vous maintenaient dans la captivité jusqu'à présent? Voulez-vous vous détourner de toutes ces voies humaines, ésotériques, occultes, spirites et diaboliques pour ne vous tourner que vers le Seigneur Jésus-Christ seul? Il dit, celui qui confesse de sa bouche qu'il est Seigneur et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, celui-là sera sauvé. Le croyez-vous? Si votre réponse est affirmative, baissez votre tête et priez avec moi. Dites ceci, Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur que mort crucifié et enterré, Dieu t'a ressuscité des morts le troisième jour. Je crois que tu es vivant pour toujours. Et je confesse de ma bouche que tu es Seigneur. Je t'invite dans ma vie pour que tu sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je me repens de tous mes péchés. Je les abandonne et ôte tous mes péchés. Et je t'invite dans mon cœur. Remplis-moi par ton Esprit Saint et détruis la puissance du péché dans ma vie. Merci parce que tu m'as acquitté de tous mes meurtres. Merci parce que tu as fait de moi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus-Christ, amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Si vous avez fait cette prière sincèrement, Dieu est venu dans votre cœur. Dieu vous a pardonné. Vous êtes désormais membre de la famille de Dieu. Maintenant, cherchez une église où la Bible, la parole de Dieu, est la seule autorité. Soyez membre de cette église. Rencontrez votre pasteur et partagez-lui votre nouvelle expérience. Il a un rôle à jouer dans votre nouvelle vie. Trouvez-vous une Bible. Lisez-la tous les jours dans un esprit de méditation, prêt à pratiquer tout ce que le Seigneur va vous dire. Aimez Israël et les Juifs. Priez pour eux et priez surtout pour la non-partition de Jérusalem, la ville du grand roi. Si nous ne nous rencontrons pas dans ce siècle, nous nous verrons bientôt au son de la trompette quand le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher les siens, c'est-à-dire vous et moi. En attendant, que Dieu vous bénisse et que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ, amen.